On a tous des ambitions différentes, mais quelques-unes en commun, comme l'amour et l'argent. Passer du bon temps à flirter, une liasse de billets dans la poche, après-midi en ville, prêt à flamber, tout claquer sur un coup de tête, faire le gros pour elle. On est prêt à beaucoup pour une nana, souvent pour elle, on sait pas dire non, non, comprends. Mes thèmes, mes idéaux, comprends que certains se tuent à la pipe à eau quand on a ni l'un ni l'autre. Quand on a ni l'une ni l'autre, nos ennemis deviennent l'amour de l'argent et la jalousie. Sur le chemin de la vie, on est poussé à prendre des raccourcis, beaucoup grandissent trop vite. Il manque quelque chose sur la paye à la fin du mois, y'a plus rien sur le compte en milieu de mois. Ce qu'on gagne, c'est pas du blé mais un niveau de vie. Selon ce que t'as, t'intègres une certaine catégorie sociale et les fréquentations qui vont avec. Souvent, on dit que l'argent change les gens parce que notre personnalité s'accorde plus avec ce qu'on a qu'avec ce qu'on est. Qu'avec ce qu'on est. Qu'est-ce qui rend fou un homme? C'est l'amour et l'argent, l'amour de l'argent. Prêt à tout pour remplir le portefeuille, prêt à tout pour décrocher son sourire, lui faire plaisir, prêt à tout pour ne pas dormir seul. Je pense que l'argent fausse les relations, c'est grotesque. Quand on commence à te fréquenter pour ce que tu possèdes, je pense qu'on a réussi à lui donner plus d'importance qu'au sentiment, qu'à l'amour, qu'à l'amitié. On signe des artistes pour le blé que ça peut rapporter, pas pour la qualité. Et beaucoup pensent que si les disques se vendent, c'est de la qualité. Pour moi, les meilleurs artistes sont dans l'ombre. Peut-être qu'ils doivent rester dans l'ombre, parce que lorsqu'il rentre en compte, il prend la place de l'authenticité dans le truc. Bientôt dans nos albums, il y aura des pages de pub. L'argent qu'on n'a pas devient le symbole de tout ce qu'on aimerait avoir. De nos rêves, de nos ambitions, il en devient le miroir. On se dit qu'avec quelques billets, ça ira bien. Il devient la lumière qui éclairera nos lendemains. Ceux qu'en ont pas se plaignent. Ceux qu'en ont se plaignent, c'est notre pire ennemi, tu dois le connaître. C'est le symbole du capitalisme, de notre monde. On juge pas sur ce que t'es, mais sur ce que t'as, sur ce que t'as fait. Tant qu'on prendra en compte, il n'existera jamais l'égalité. Sans lui, une personne devient complètement effacée. Il pousse certains au braquage. Il pousse certains à la folie, d'autres à la déprime quand y a une trop grosse ardoise. Qu'est-ce qui rend fou un homme? C'est l'amour et l'argent, l'amour de l'argent. Prêt à tout pour remplir le portefeuille, prêt à tout pour la thune, prêt à décrocher la lune, quitte à se brûler les ailes sur Saturne. C'est l'amour et l'argent, l'amour de ce qu'il t'apporte. C'est une belle femme qui t'aimera pas pour ce que t'es, mais pour la condition que tu lui apportes. C'est peut-être incompréhensible, mais je pense être lui avec peu d'argent que le contraire. Mais c'est là pas du gain, si j'en rapporte, je vais pas cracher dessus, j'ai besoin de lui pour ne pas être rien. L'argent c'est notre pire ennemi, je crois bien. On l'a construit de toutes pièces, on l'a construit nous-mêmes. Le symbole de la réussite, de l'intégration sociale, faire du blé légalement, faire tourner la machine, rentrer dans les rangs pour de plus gros capitaux. On se donne le droit de bousiller la terre, de coloniser, d'occidentaliser. Esclaves d'un système qu'on a nous-mêmes créé. Tous les jours on le fait tourner. C'est l'amour de l'argent, l'amour et l'argent.